franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la profanation du cimetière juif de Carpentras au mois de mai 90. Humilier les morts pour terroriser les vivants. Plus d'un quart de siècle après les faits, l'affaire Carpentras reste l'une des affaires les plus marquantes de la Ve République. Par sa nature d'abord, une mise en scène démoniaque. Par l'ampleur de ses répercussions. Dans les jours qui suivent, la France plonge en effet dans un état de sidération face à cette transgression qu'est la profanation de tombes. Enfin, par l'exceptionnelle mobilisation politique et médiatique qu'elle a suscitée. Une mobilisation qui ira jusqu'à faire descendre dans la rue un président de la République en exercice. L'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras nous replonge aussi dans la France de 1990 où certains responsables politiques attisent quotidiennement la haine raciale, voire la désobéissance civile. Comment ne pas y voir un lien de cause à effet ? Que s'est-il passé exactement cette nuit du mois de mai 1990 dans le cimetière juif de cette commune du sud de la France? Pourquoi l'enquête a-t-elle mis plus de 6 ans à aboutir? Quelles ont été les conséquences de cette affaire sur la vie publique française? Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur. Est-ce qualité? Il était en première ligne dans ce dossier. Son dernier ouvrage, Soif de justice au secours des juridictions sociales, est paru en 2014 aux éditions Fayard. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Elisa Mar et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonsoir. Les choses ont bien changé, Monsieur Le Pen, depuis votre dernier passage à l'heure de vérité, il y a très exactement un an. Votre parti, le Front National, est en train de prendre une autre dimension. Il s'organise pour la conquête du pouvoir. Vos candidats gagnent du terrain dans les élections partielles et les derniers sondages vous accordent 15% des intentions de vote. Ce matin, dans Le Figaro, vous affirmez que le Front National sera bientôt le premier parti de droite. Mercredi 9 mai 1990, il est 21h. À la télévision, sur Antenne 2, le journaliste François-Henri de Virieux anime le grand rendez-vous politique du service public, l'émission L'Heure de Vérité. Ce soir, l'invité, c'est Jean-Marie Le Pen. Sur le plateau, face aux caméras, les sourires sont de rigueur. L'émission débute et suit son rituel bien rodé. Les uns après les autres, les journalistes interrogent le président du Front National sur différents sujets. Jean-Marie Le Pen répond aux questions, parfois avec mauvaise foi, parfois avec détour. Une décontraction de façade. Car à quelques mètres de là, en coulisses, l'ambiance est crispée. La production redoute un nouveau dérapage. Entre outrances révisionnistes sur les chambres à gaz, qui ne serait selon lui qu'un détail de l'histoire, en passant par les propos injurieux contre l'ancien ministre Michel Durafour, qu'il avait surnommé Durafour crématoire, Jean-Marie Le Pen n'en est plus à une polémique près. D'autant que ce soir-là, il est furieux contre Antenne 2 qui a décalé l'émission d'une journée pour ne pas avoir à la diffuser le soir du 8 mai, journée symbolique de l'armistice de 1945. Furieux également d'avoir été remplacé la veille par la diffusion du documentaire sur la Seconde Guerre mondiale de Frédéric Rossif intitulé « De Nuremberg à Nuremberg ». Un film que le leader du FN considère partisan d'une vision monolithique et archaïque de l'histoire, je le cite. À cela, il faut aussi ajouter la colère qui agite Jean-Marie Le Pen depuis plusieurs semaines à cause du projet de loi Guesso, un texte qui vise à réprimer le racisme et les propos antisémites, ce que le leader du FN considère anti-républicain et anti-français. Quelques jours plus tôt, pour l'habituel défilé de l'extrême droite du 1er mai, le président du Front National avait menacé. Le Front National, quant à lui, a toujours affirmé et réalisé dans ses actes le respect le plus absolu de la Constitution et des lois. Mais il entend que les intérêts de la France, ceux de ses électeurs, soit respecté scrupuleusement. Et nous prendrons, s'il le faut, en temps utile, toute disposition. J'appelle, en même temps qu'à la vigilance et à l'action, j'appelle à la discipline nationale tous nos militants qui, si besoin était, recevraient les ordres que leurs dirigeants leur donneraient. Des propos qui s'inscrivent dans la continuité du discours frontiste qui, en ce printemps 90, déverse quotidiennement sa haine contre les étrangers dans les médias ou au cours de rassemblements publics. Faut-il y voir un lien de cause à effet avec toutes ces histoires diffusées semaine après semaine dans la presse? Celles qui parlent de ratonnades menées par des groupes de skinheads contre des maghrébins, celles qui évoquent des agressions à caractère antisémite en plein Paris ou encore celles qui dénoncent des profanations de lieux de culte sur tout le territoire. À cela, ajoutons qu'en plus des scores préoccupants du FN aux élections, deux des universités de Lyon sont devenues des repères de négationnistes sous la houlette de leur leader Robert Forisson. Et rappelons que quelques jours avant l'émission L'heure des vérités avec Jean-Marie Le Pen comme invité, des inscriptions à la peinture jaune ont été retrouvées sur des façades de plusieurs magasins d'Avignon. Judenhaus, les Juifs dehors, les mêmes mots que ceux prononcés par un certain Adolf Hitler en 1933 à Nuremberg. Voilà pour le contexte et le climat en France au moment où le leader du Front National intervient sur Antenne 2 ce mercredi 9 mai 1990. Et où, pendant une heure, fidèle aux idées qu'il défend, il se livre en spectacle. Se déclarant tour à tour contre l'avortement, pour la suppression du revenu minimum qui ne profite qu'aux étrangers, selon lui, et contre la loi antiraciste qu'il veut combattre. Alors que l'émission touche à sa fin, un journaliste l'interroge sur un étonnant sondage que Jean-Marie Le Pen a lui-même commandé au sein de son parti. Il y avait une dernière question dans notre questionnaire, sur laquelle je voulais votre sentiment à vous personnel, parce que pensez-vous, donc comme 88% de vos cadres, que les Juifs aient trop de pouvoir en France aujourd'hui? C'est une question à laquelle ils ont répondu là encore massivement. Alors vous-même, comment vous réagissez? Ça dépend dans quel domaine. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, comme les Bretons en ont dans la marine et les Corses dans les douanes, ça ne me paraît pas un peu discutable. Énième dérapage à caractère antisémite. Quoi qu'il en soit, François-Henri de Verrieux termine l'émission. Les téléspectateurs éteignent leur poste de télévision. La France s'endort. Qui peut alors imaginer que 45 ans après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout un pays qui s'apprête à découvrir l'innommable? Le lendemain matin, jeudi 10 mai 1990, il est 11h. Dans le sud de la France, les températures sont déjà estivales. À Carpentras, ville paisible de 25 000 habitants située à quelques kilomètres au nord-est d'Avignon, la vie suit son cours. À l'entrée de la commune, à l'ombre d'un aqueduc, se trouve l'un des plus anciens cimetières juifs d'Europe. Vers 11h30, deux femmes se présentent aux grilles. Elles remontent l'allée principale à se diriger vers la tombe de leur défunt. Mais soudain, elles s'arrêtent, pétrifiées. À quelques mètres d'elle se dresse un spectacle d'épouvante. Des stèles sont brisées, des tombes sont renversées, des pierres tombales ont été soulevées. Un peu plus loin, comble de l'abomination, elle découvre cette scène. Le cadavre d'un homme sorti de terre. Prise de panique, elle prévient le gardien du cimetière. Ce dernier alerte à son tour la police. À 11h50, les hommes du commissariat de Carpentras arrivent. Les deux femmes sont toujours en état de choc. Les policiers découvrent à leur tour la mise en scène macabre. Telle une plaie béante, ils aperçoivent un énorme trou dans le sol. Et à côté, un cadavre, dans son linceul blanc. Exhumé de sa tombe, arraché à son cercueil, il gît allongé, les jambes écartées sur une sépulture voisine. Comble de l'horreur, on a, semble-t-il, tenté de l'empaler avec un pied de parasol. Sur le corps profané, les policiers constatent la présence d'une étoile de David en métal argenté. À hauteur des parties génitales, une plaque de granit sur laquelle on peut lire « Souvenirs des voisins ». À côté de la tête, une vieille canette de bière. Un peu plus loin, les riverains consternés témoignent. C'est spectaculaire, disons, certaines tombes. Hein. C'est plus de la rigolade. Hein. Ce sont des gens, ce sont des débiles mentaux. S'attaquer à des morts, je vais vous dire une chose, il faut être vraiment bas sur terre. Et ces gens-là, je vais vous dire une chose, si vraiment il y avait une justice, ils devraient remplacer les morts. Il est 13h, ce jeudi 10 mai 1990. La nouvelle de la profanation est encore confidentielle. Le procureur local, André Chapon, demande aux journalistes régionaux de ne pas les bruiter. À l'appel de ses représentants, la communauté juive de Carpentras consent, elle aussi, à se taire. Tout le monde souhaite éviter de faire de la publicité à une telle action. Tout le monde souhaite que le calme revienne à Carpentras et que la police traque dans l'ombre le ou les auteurs de cet acte odieux. Car au moment où les policiers s'activent pour identifier la dépouille de l'homme retrouvé au cimetière, à 60 km plus au sud, à Nîmes, on informe le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Pierre Jox, de la sinistre découverte. En pleine réunion de travail sur le plan de lutte anti-incendie dans la région, il interrompt alors les débats et s'entretient avec ses conseillers. Sans hésiter, il décide d'accompagner le préfet de Vaucluse à Carpentras. Sur place, au cimetière, les enquêteurs mettent au jour l'identité de la victime. Il s'agit de Félix Germont, 81 ans, enterré quelques jours plus tôt. L'homme, de confession juive, n'était pas pratiquant. Fait rarissime, sur demande des responsables de la communauté juive et avec l'accord du procureur, il est inhumé une nouvelle fois, immédiatement, sans examen du corps. À 17h, l'hélicoptère rouge et blanc de la sécurité civile, à bord duquel a pris place le ministre de l'Intérieur, se pose à proximité du cimetière de Carpentras. Accompagné d'une nuée de photographes, journalistes et caméramans, le ministre entre dans le cimetière. Un quart d'heure plus tard, la visite se poursuit à la synagogue de Carpentras, où il s'entretient avec les responsables de la communauté. En sortant, pris par l'émotion, le ministre s'adresse aux caméras. Lorsque les criminels sont connus, on doit les dénoncer. Nous les connaissons. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. Et je pense que tout le monde en France ressentira, comme nous, chagrin et pitié. Monsieur le ministre, quand vous dites que vous les connaissez, qui sont-ils ? Je les ai nommés. Nous les connaissons. Les mots du ministre de l'Intérieur interpellent. Faut-il y voir une première piste pour l'enquête ? Ou s'agit-il simplement d'une réflexion d'ordre plus général liée au contexte qui agite la France ? Toujours est-il qu'en cette journée du mercredi 10 mai 1990, alors que le soleil se couche sur Carpentras, l'affaire de la profanation du cimetière juif est devenue une catastrophe nationale. Le lendemain matin, jeudi 11 mai 1990, dans toutes les salles de rédaction, l'affaire Carpentras monopolise éditorialistes et reporters. D'un quotidien à l'autre, à la une, les titres se rejoignent et en disent long sur l'état d'esprit ambiant. Libération parle d'outrage, l'Humanité d'actes barbares, le Figaro d'horreur. À la télévision, on s'interroge qui a pu commettre un tel acte et surtout pourquoi et comment la République peut-elle surmonter un tel événement ? Du côté de la classe politique, quel que soit le parti, quel que soit leur rang, chacun fait preuve de gravité et de discipline. La veille, dans le plus grand secret, le président Mitterrand s'est rendu au domicile du grand rabbin de France, Joseph Sitruk, pour l'assurer de son soutien. Parmi les rares personnalités qui prennent la parole à la télé, il y a le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius. Je voudrais vous dire, même si c'est un peu dur à écouter, ce que ça veut dire la profanation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts, et qu'on a souillé leur tombe. Et ça veut dire que, en particulier pour l'un d'entre eux, on a sorti le cadavre et on lui a enfoncé un manche dans l'anus. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit cela, ça veut dire que on a voulu tuer deux fois ces gens. D'abord parce que on a commis un acte homicide et on a voulu tuer en plus le souvenir et la mémoire. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire. Pointé du doigt, visé par tous les regards et cible de toutes les critiques, le Front National se pose en victime et contre-attaque. Son leader historique, Jean-Marie Le Pen, celui qui, deux jours auparavant, dans l'heure de vérité sur Antenne 2, affirmait encore que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias, comme les Bretons dans la marine, ce même Jean-Marie Le Pen dénonce une machination politique organisée par le pouvoir, je le cite bien sûr. Lors d'une conférence de presse, boycottée par une partie des journalistes, le président du FN estime qu'il faut plutôt chercher du côté des communistes, qui semblent être les maîtres d'œuvre de toute cette opération, dit-il. De leur côté, plusieurs cadres du parti d'extrême droite, dont Bruno Maigret, montent au créneau. Ils affirment que le Front National et ses dizaines de milliers de sympathisants n'ont pas à être les boucs émissaires de ce qu'ils qualifient de politique de propagande organisée par le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Stratégie de défense qui ne convainc pas le président de la Ligue des droits de l'homme, entre autres, Yves Jouffa. Joint au téléphone par France Inter, il accuse. Je constate qu'on assiste aujourd'hui à une escalade dans l'horreur antisémite. On dit que l'acte n'est pas revendiqué. Mais j'accuse l'extrême droite et son chef d'attiser quotidiennement la haine raciale, ce qui provoque des actes aussi odieux que celui que nous avons à déplorer. Je n'accuse pas l'extrême droite d'avoir commis, j'accuse l'extrême droite et son chef d'attiser quotidiennement la haine raciale. Alors que la République est en deuil, alors que la France se recueille, Madeleine Germont, 80 ans, la veuve de Félix Germont, dont la sépulture a été profanée, ne sait toujours rien du drame. Personne ne l'a prévenue. C'est par téléphone qu'un de ses proches l'informe, en milieu de journée. Quelques heures plus tard, Madeleine Germont est là, dans le petit cimetière juif de Carpentras, en présence du grand rabbin Sitruk, pour assister à la cérémonie du Kaddish, la prière des morts, dans la religion hébraïque. Autour d'elle, toute la République a fait le déplacement. On aperçoit Pierre Joxe, bien sûr, aux côtés de Lionel Jospin, plus loin, Pierre Bérégovoy, Gilles Ménage, le chef de cabinet de François Mitterrand, mais aussi Jacques Chaban-Delmas, François Léotard, Pierre Mauroy, Jack Lang ou encore Jean-Claude Gaudin. Autre présence remarquée, celle du prix Nobel de la paix, ancien rescapé des camps de la mort, Elie Wiesel. Malgré l'émotion qui la submerge, Madeleine Germont reste silencieuse, droite, digne. Mais à la fin de la cérémonie, elle craque face aux caméras. C'est mon mari qu'on a empalé. C'est mon mari, il n'y a même pas 15 jours qu'il est mort, alors. Comme il était le dernier, ils en ont profité. Ils ont essayé de toucher la tombe à côté d'une personne âgée, ils n'ont pas eu le temps. Mais celle de mon mari. Mon mari. C'est épouvantable. Il faut les punir. En rentrant chez elle, à la tombée de la nuit, Madeleine Germont se retrouve seule, bouleversée par l'épreuve. Soudain, le téléphone sonne. Elle entend alors la voix froide d'un homme qui lui dit « C'est moi qui ai fait ça à ton mari, ton tour viendra bientôt. » Lundi 14 mai 1990, Paris, place de la République, il est 18h30. Quatre jours après la découverte de la profanation, ils sont plus de 200 000 à descendre dans la rue à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. La foule est dense et silencieuse. Les gens sont venus en famille, avec des amis ou parfois seuls. Comme lors de la cérémonie à Carpentras, on croise une multitude de représentants politiques dans le cortège. La présence de l'un d'eux est symbolique. Il s'agit du chef de l'État, François Mitterrand, oui, en personne. Le président de la République a tenu à participer au rassemblement et il le redit, il sera toujours là pour barrer la route à ces forces brunes qui essaient de salir l'image de la France et de diviser les Français, pour reprendre ses mots. En tête du défilé, sur les grandes banderoles, on peut lire « Non au racisme, non à l'antisémitisme ». Dans cette foule pacifique, parmi la multitude d'anonymes, une mère et sa fille témoignent. Je n'ai pas peur. Ce que je souhaite, c'est manifester le respect. Je crois que chaque être a droit au respect dans ce qu'il est. Donc je crois que c'est important. Ce qui s'est passé la semaine dernière est inacceptable. Moi, je suis venue parce que je trouve ça écœurant, tout ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'on fouille les tombes, qu'on empale les cadavres. Puis, en plus, c'est pas de leur faute. Ils sont morts et puis les poursuivent jusqu'à leur mort. C'est écœurant. Présente elle aussi dans la foule, Simone Veil rappelle qu'on ne peut pas accuser sans preuve, certes, mais qu'il règne autour de l'extrême droite un climat nauséabond fait de suspicions qui nuisent à l'apaisement. Un peu plus loin derrière elle, justement, on aperçoit, portée sur un plateau de bois, un poteau de bois, une grande marionnette dont le visage ressemble à celui de Jean-Marie Le Pen. Elle porte un t-shirt où est inscrite la mention « Carpentras, c'est moi ». Quelques instants plus tard, la marionnette est brûlée dans le cortège, face aux caméras. Pendant ce temps, à Carpentras, l'enquête commence à peine. Elle durera 6 ans. There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor. Dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold shadow growing from within. There's a bent willow in the moonlight painted blue. There's a spent window silhouetting you. Deep and true as whiskey, soft and sure as lies, there's a bent willow reflecting in your eyes. But now there's a girl out in a boat, her arms are outstretched and she's barely afloat. There's a man on the shore, a rope in his hand. It's tied to the board and he's pulling as hard as he can. Not to bring her to him, but to pull the whole shore and the whole world within to her open door. All his voices are her, all his voices are her, all his voices are her, all his voices are her. Has he been here before? Nobody's sure. France Inter, il est 7h. Bonne matinée à tous, Intermatin samedi, Claude Méno. Cet attentat est particulièrement abject, quels qu'en soient les auteurs, quelques soins qu'ils prennent d'agir dans l'ombre, lâchement, contre des morts, il faut qu'ils soient retrouvés et châtiés. Un message très clair de François Mitterrand, adressé au président du consistoire israélite de Carpentras, justice doit être faite. Après la profanation du cimetière juif de Carpentras, l'indignation est bien évidemment générale dans toute la France. Personnalités politiques, artistiques et innombrables anonymes se sont encore rendus hier sur les lieux de ce crime sans précédent pour exprimer leur tristesse. Vendredi 11 mai 1990, au moment où Carpentras et la France sont en deuil, l'enquête judiciaire démarre. Ce sont les policiers du SRPJ d'Avignon qui sont en charge du dossier. Très vite, les hommes du commissaire Dac et du Montier font face à la pression politique et médiatique. La veille, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, avait été clair. Il faut passer au crible tout ce que le Vaucluse, tout ce que les régions voisines comptent de groupuscules, d'organisations paramilitaires, de skinheads et de nostalgiques du Troisième Reich. Les responsables politiques veulent des résultats et vite, car il s'agit d'envoyer un message fort à l'opinion. Grâce aux informations fournies par les renseignements généraux, la police effectue des descentes dans les milieux nationalistes français et dans les mouvements jugés proches de l'extrême droite. Chaque individu est interrogé sur son emploi du temps dans la nuit du 9 au 10 mai. L'un d'entre eux retient toute l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, membre du PNFE, le Parti Nationaliste Français et Européen, au casier judiciaire déjà bien rempli. Son nom, Jean-Claude Gault. Faute d'éléments à charge, il est relâché quelques heures plus tard. Après, c'est un autre membre du PNFE, un dénommé Patrick Laonegro, qui est arrêté lui aussi, interrogé. Avec eux, une vingtaine d'autres personnes sympathisantes FN ou apparentées. Car dès le début, les policiers sont certains que Carpentras est une affaire locale et qu'elle implique des jeunes proches du PNFE. La juge, Sylvie Motte, ordonne une autopsie du corps de Félix et une fouille complète du cimetière. Un élément étonne alors les enquêteurs. Les profanateurs n'ont pas signé leur crime. Pas de tag au slogan antisémite, pas de croix gammée, aucune inscription. Au même moment, apparaissent dans la presse les premières critiques. La police se serait trompée en pensant que la profanation avait eu lieu la veille de la découverte, alors que plusieurs témoins parlaient de bruits étranges l'avant-veille. Apparaissent aussi une multitude de revendications tout aussi farfelues les unes que les autres, mais également de fausses dénonciations dues à la médiatisation de l'affaire. Autant d'éléments à l'origine d'une dérive de l'enquête. Et puis il y a cette rumeur persistante à Carpentras, selon laquelle la profanation serait l'œuvre de fils de notables locaux, dont le fils du maire qui irait au cimetière pour boire, fumer, s'adonner à des fêtes. La rumeur parle aussi de trafic de drogue, de parties fines et de balais roses. Après plusieurs mois d'investigation, des centaines d'auditions et des milliers de procès-verbaux, les policiers et la juge doivent se rendre à l'évidence, l'enquête piétine. Il faudra attendre 5 ans pour qu'enfin un nouvel élément, ou plutôt un nouveau témoignage, fasse rebondir l'affaire. Pour la profanation de Carpentras, vous saviez depuis quand ? Depuis les 90. Et comment l'avez-vous su ? Par une amie d'un profanateur. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? Bah, qu'ils avaient fait des consultières, qu'ils avaient déterré M. Germont, puis voilà, c'est tout. Et les autres stèles déplacées, tout ça, c'est eux aussi ? Non, c'est pas eux. Vous en êtes sûr ? Oui. Août 95, alors qu'on ne parlait plus de Carpentras, une jeune femme du nom de Jessie Foulon se présente aux policiers, dans le cadre d'un autre dossier. Elle affirme aux enquêteurs que le petit ami de l'une de ses copines organisait des jeux de rôle dans le cimetière et que ce sont ces mêmes gens, fils de notables locaux, dont le fils du maire et du marbrier, qui ont participé à la profanation du cimetière juif dans le cadre d'un jeu dit de la sorcière. Certains n'ont rien vu, mais ces propos liés à la rumeur font sens selon les policiers. On pense alors que l'enquête va aboutir. Cette piste locale dédouane de facto Jean-Marie Le Pen et le Front National. Le leader du FN ne manque pas d'ailleurs de se présenter de nouveau en victime et demande des excuses publiques. Le 11 novembre 1995, ils sont des milliers à défiler à Carpentras à l'appel du Front National. Quelques mois plus tard, en février 96, coup dur pour l'enquête, Jessie Foulon refuse la confrontation avec ceux qu'elle accuse du crime. Le témoin numéro un de toute l'affaire est décrédibilisé. De son côté, la juge Sylvie Motte est persuadée d'avoir affaire à une mythomane. Nommée par la justice, un psychiatre découvre en effet que Jessie a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qu'elle a une personnalité d'affabulatrice, comme disent les psys. La piste des fils de notables s'effondre. En même temps, les rapports entre la juge Motte et le procureur Tissot sont devenus exécrables. Alors, la magistrate jette l'éponge. Il faut attendre le 30 juillet 1996 pour qu'un nouveau coup de théâtre ne vienne enfin révéler la vérité dans toute cette affaire. Ce jour-là, un jeune homme de 26 ans, du nom de Yannick Garnier, se présente de lui-même au bureau des RG d'Avignon. L'homme veut parler, c'est clair. Face aux policiers, tout d'abord sceptique, il livre des détails inattendus qui ne figurent pas dans la presse et que seuls policiers et juges connaissent grâce au dossier d'instruction. Alors l'homme raconte. Ce coup, il l'a fait avec 4 autres individus, oui. Tous des skinheads, comme lui, et pour la majorité membres du parti d'extrême droite, le PNFE. Ils avaient méticuleusement monté leur opération pour qu'elle soit spectaculaire, justement. Le mot d'ordre était de déterrer un juif. Ce soir-là, au cimetière, ils ont tenté de forcer plusieurs pierres tombales avant de se rabattre sur la tombe encore fraîche de Félix Germont. Ils ont soulevé le cercueil avec un tuyau d'arrosage, puis ils ont déterré le cadavre, tenté de le décapiter, sans succès, avant de l'empaler pour rendre le geste plus théâtral. En repartant, ils ont brisé quelques pierres tombales. Voilà pour l'histoire. Aux enquêteurs, Garnier donne 4 noms. Celui de Jean-Claude Gault, le chef de l'opération, membre du PNFE, déjà interrogé par la police et mort depuis dans un accident de la circulation. Celui de Patrick Laonegro, l'idéologue du groupe, lui aussi au PNFE. Et enfin, ceux de 2 lampistes, Olivier Fimbry, un militaire du 152e régiment d'infanterie, et Bertrand Nouveau, sympathisant d'extrême droite. Ces hommes passeront tous aux aveux. Les 4 hommes sont condamnés. Mais malgré l'acte sordide perpétré au cimetière, il n'existe pas de sanction adaptée dans le code pénal. La peine la plus lourde est de 2 ans de prison. Bien peu au regard des 6 années d'enquête. Bien peu au regard de l'acte et de sa charge symbolique si douloureuse. Quelques mois plus tard, fin 96, malgré le procès, une partie de la ville reste toujours persuadée que derrière cette affaire se cache une autre vérité, celle d'un complot organisé par des fils de notables. Pour beaucoup, le dénouement officiel de cette affaire, la piste d'un groupe de skinheads, non, tout cela semble trop simple. Comme si, au bout du compte, à Carpentras, il ne pouvait y avoir de vérité acceptable pour un tel acte. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la profanation du cimetière de Carpentras en mai 1990 avec notre invité Pierre Jox. Bonjour Pierre Jox. Bonjour. Être ministre de l'Intérieur doit être une mission passionnante, mais cela peut vous mettre dans une position difficile. J'imagine que ces souvenirs sont encore frais. Quels souvenirs vous gardez de ces faits après toutes ces années? Est-ce qu'ils sont encore dans votre esprit? Est-ce qu'ils vous ont marqué? Oui, en plus vous avez un tel talent que on découvre que la radio, ça peut être comme du cinéma. Donc les souvenirs, vous les avez un peu revivifiés, parce que je m'en souvenais très bien, en effet, y compris du contexte, comme vous l'avez rappelé. J'avais oublié que c'était la veille que Le Pen était à la télévision avec François-Henri de Virieu. Ouais. La veille, ce qui est dire que les Français, beaucoup de Français ont regardé cette émission. Et le lendemain, il y a eu cet événement, et les jours suivants. Donc il est vrai que c'est entré en résonance. Mais pour moi, c'est un peu différent parce que la journée avait commencé tout autrement. On était dans les Cévennes, plein d'enfants tout autour de nous. Des enfants à qui on apprenait à respecter la forêt, à ne pas mettre le feu, à ne pas camper n'importe où, etc. C'était l'ouverture de la campagne de lutte contre les incendies de forêt. Mmh. Et donc, on avait associé là des pompiers, des unités et des enfants. Et tout d'un coup, pendant qu'on était là-bas, dans une réunion, on a appris ce que vous avez décrit, que je ne vais pas répéter. Et donc c'était très surprenant, très bizarre, parce que on se demandait. Alors, en effet, on a pris l'hélicoptère, on est allé là-bas immédiatement. Et évidemment, le spectacle était tellement horrible et tellement choquant par rapport à l'endroit d'où nous venions, où il n'y avait que des enfants tournés vers l'avenir et la responsabilité. Et on arrivait devant quelque chose qui était un spectacle stupéfiant et horrible, affreux, sinistre. Et c'était pas seulement horrible, affreux et sinistre, c'était pas seulement dans un cimetière juif, c'était dans un cimetière juif, pour ceux qui ont un peu de culture historique, particulier, parce que Carpentras, c'est une vieille implantation juive du temps de l'époque des papes d'Avignon. Et, oui, c'est l'un des plus vieux cimetières juifs. C'est l'un des plus vieux cimetières juifs de France. Ouais. C'est l'une des plus vieilles synagogues de France, toute petite synagogue où nous sommes allés d'ailleurs. Et donc, on passait d'un endroit où on était dans les montagnes, dans l'air pur, entouré d'enfants, et on arrivait dans un endroit absolument sinistre. Voilà, donc c'est en effet un moment d'autant plus lourd et grave que, comment dire, les gens sur place, je m'en souviens, étaient embarrassés. Oui, comme s'ils avaient honte de créer un problème. Comme si c'était, d'une certaine façon, comme s'ils étaient responsables de cette honte-là. Ouais. Parce que c'était chez eux, et on a été dans la toute petite synagogue, très jolie, très sympathique, mais... en plus, c'est un monument très ancien. On descend. On a presque l'impression de descendre dans les catacombes des premiers chrétiens, parce qu'on descend pour entrer dans cette synagogue. Elle n'est pas au niveau du sol. Et donc, c'était vraiment... Et alors, heureusement pour moi, enfin, vous avez des archives formidables, puisque vous avez cité ma phrase. Heureusement pour moi, dans l'hélicoptère, je m'étais dit, on m'avait dit, c'est plein de journalistes, plein de photographes, on peut rien dire sans avoir vu. Et j'aurais à peine vu qu'il faudra que je parle. Donc ouais. Il vaut mieux que je pense à l'avance. Et je l'écris sur le dos d'un paquet de gitane. À l'époque, je fumais. Une phrase très simple, à savoir, en effet, un jour on saura qu'il y a quelqu'un commis le crime, mais on sait déjà le coupable. On connaît déjà les coupables. C'est le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance. Et c'était vrai. Mais vous imaginez quand même que la phrase, quand vous alliez la prononcer en tant que ministre de l'Intérieur, elle aurait des résonances politiques. Parce qu'effectivement, l'intolérance, l'antisémitisme, bien sûr que c'était les coupables, ça c'est évident. Oui. Mais derrière, est-ce que vous vous êtes dit, mais forcément mes propos vont être interprétés, traduits, en tout cas traduits, on va dire, ok, Front National, et il dit c'est le Front National. Mais j'ai jamais dit. Non, vous l'avez pas dit, je sais bien que vous l'avez pas dit. Mais je parle de traduction. Comme tout le monde, moi je suis comme tout le monde. Oui, vous ressentez la force de politique, le canal d'expression le plus puissant. Je parle de l'année 1990, du racisme et de l'antisémitisme. À l'époque, c'est le Front National. La veille, qui est à la télévision? C'est Le Pen. On n'est pas au moment de l'affaire Dreyfus, où c'était les généraux de l'état-major qui étaient les leaders de l'antisémitisme, où les écrivains comme Drummond et autres hommes de lettres de l'Académie française, les grands racistes à l'époque, ils étaient à l'Académie française, ils étaient dans les états-majors, ils étaient au pouvoir, il a fallu Clémenceau et des gens comme Zola pour arriver à renverser tout ça. Là, on est un siècle plus tard. Qui est la principale, pas la seule, la principale force qui, sur le plan politique, s'appuie depuis longtemps, depuis la guerre d'Algérie, sur le racisme? Et quand la guerre d'Algérie est finie, continue à utiliser le thème du racisme anti-arabe, mais s'appuie sur le vieux fond du racisme français, c'est-à-dire l'antisémitisme. Et même le jour même, le soir même, ça vous l'avez rappelé, je l'avais oublié, le soir même, il est encore sorti. Ah oui, les juifs, ah oui, dans la presse, c'est comme les bretons dans la marine. Ouais, c'est tout à fait typiquement Le Pen. Il faut savoir que Le Pen, je le connais depuis longtemps, puisqu'on se battait à la faculté des droits de Paris, dans les années très exactement 53, 54, 55, il était, je crois qu'il faisait sa 7e, 2e année de droit, et nous étions à l'UNEF, des acharnés contre la droite. Bon, mais Le Pen à lui tout seul, ni le Front National à lui tout seul, n'est pas le seul canal de l'antisémitisme et du racisme. La preuve, là, une seule chose que je corrigerais dans votre exposé remarquable, c'est que vous dites que les responsables politiques, je pense que c'est moi que ça vise, voulaient des résultats et vite. Pour envoyer un message à l'opinion. Alors, si vous croyez que tous les ministres de l'Intérieur agissent uniquement pour envoyer des messages à l'opinion, je comprends que des exemples récents et même contemporains puissent vous donner cette idée. Mais moi, je n'ai jamais agi en pensant que l'action de la police judiciaire était d'envoyer un message à l'opinion. Si j'ai lutté contre le racisme, comme mon grand-père et mon arrière-grand-père ont lutté pour le capitaine Dreyfus, c'est par conviction. Et que le crime, c'est pas pour envoyer un message à l'opinion. Et si vous croyez qu'étant déjà expérimenté, comme je l'étais un peu à ce moment-là, je voulais des résultats et vite, ça c'est des propos de Pasqua. On va terroriser les terroristes, on va changer, etc. Non, là, je sais bien que les résultats ne viennent pas toujours vite. Les enquêtes de police judiciaire, il y en a qui durent 30 ans. Là, elle a duré 5 ans. Elle est tombée sur qui? La preuve, la meilleure preuve, qu'est-ce que c'est la meilleure preuve? C'est pas forcément l'aveu. La meilleure preuve, c'est le concours de plusieurs éléments de preuve. Finalement, il y a eu l'aveu des coupables. Oui. Mais la preuve, c'est pas la même chose que l'indice. Les indices, ils ont été trouvés tout de suite. Dès 90, le PFN... Le parti des Forces Nationales a été repéré par les flics. Ils ont même repéré Kos et un autre. Ouais. Donc très vite, les indices ont été trouvés. Après, il se passe 5 ans ou 6 ans, vous dites, la juge d'instruction jette l'éponge. Non, d'abord, juge d'instruction, c'est pas un, on n'est pas sur un ring. Jette l'éponge, c'est l'entraîneur à la boxe qui, quand son les yeux pochés, les yeux au beurre noir, il dit « je vais sauver mon champion », je jette l'éponge, c'est-à-dire j'arrête. Un juge d'instruction ne jette pas l'éponge. On peut jeter un juge d'instruction, s'il fait mal son travail, c'est assez compliqué d'ailleurs. Mmh. Mais un juge d'instruction ne jette pas l'éponge. L'éponge n'appartient pas au juge d'instruction. La police ne lâche pas les pistes quand on a une chance de trouver. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été trouvés. Alors on dit que c'est un hasard. Oui, c'est en effet, il y a une part de hasard. Mais vous savez, comme Napoléon disant, j'aime bien les généraux qui ont de la chance. Eh bien, dans la police, moi j'aime bien les policiers qui ont de la chance. Et le hasard est à l'origine parfois d'arrestation. Pourquoi? Parce que quand un hasard heureux fait recouper différents indices et qu'on a la preuve. Et c'est pour ça que cette affaire est assez exemplaire, en effet. C'est que, finalement, dès le début, moi, j'ai dit quelque chose de totalement abstrait. Je connais les coupables. L'antisémitisme, le racisme, l'intolérance. Mmh. Et tout le monde a entendu quelque chose d'incroyablement concret. Ils ont entendu quoi? Ben, ils ont entendu ce qu'ils avaient vu la veille à la télé. Et c'était faux. Et c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai que c'était l'antisémitisme, l'intolérance, etc. C'est vrai que celui qui s'était rendu célèbre par des jeux de mots affreux du genre du rafour, crématoire, vous vous rendez compte de la vulgarité de ce personnage? Oui, c'est clair. Ou encore les choses incroyables quand on dit ça à des jeunes aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à croire. Les fours crématoires, c'est un détail. Quelqu'un qui s'exprime comme ça, évidemment, il finit par incarner tellement le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance que sa fille, qui est finalement une brave fille, a beaucoup de mal à se débarrasser de cette ombre de l'extrémisme du Front National fondé par son papa. Et c'était vraiment le temps des outrances, hein, vraiment cette époque-là. Ah mais non, attendez, mais les outrances, mais non, vous n'avez rien... Quoi, Blum, non, mais le temps premier du président du conseil, était traité de sale juif, qu'on attaquait dans la rue. Dreyfus, qu'on envoyait au bagne. Les outrances dans le domaine de l'antisémitisme. La France a une longue histoire d'antisémitisme. Monsieur Jobs, je parle des outrances contemporaines, bien sûr, qu'il y en avait des années 30, évidemment. Moi, je suis contemporain de Blum. Bon, alors, mais je suis ravi hein, que vous ayez donné deux ou trois précisions, parce que c'est idéal. Vous savez, quand vous faites un récit, que vous avez un grand témoin, quelqu'un qui a vraiment vécu et qui nous apporte... Je suis contemporain de Blum. C'est formidable. J'étais à peine né, mais mes parents m'ont raconté ce que c'était que la violence contre les juifs, contre la presse juive, contre les écrivains juifs. En France, en 34, 35, 36, pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait en Allemagne nazie? On les brûlait. Mmh. Et Le Pen dit, un détail de l'histoire, vous comprenez? Tout ça, ça se mêle dans un mouvement historique très long, et il n'est pas mauvais, grâce à vous d'ailleurs, que des jeunes gens pour qui c'est quelque chose de très lointain, entendent parler de ça, et en plus, comme je vous dis, avec votre voix sépulcrale, on se croirait au cinéma. Vous devriez avoir des images en plus. Vous faites peur. Vous m'avez presque fait peur par moment. C'est vrai? Bon. Mais j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à le trouver. Alors, on est dans le contexte, effectivement, c'est très bien. On va écouter ensemble une archive très courte, le grand rabbin de Marseille, Joseph Yuna, qui revient donc sur le contexte autour de cette affaire. Monsieur le grand rabbin, est-ce que vous pensez que la liberté de langage de certains dirigeants politiques, notamment d'extrême droite, peut inciter certaines personnes à passer à l'acte ? Absolument. C'est une incitation à la haine. Et souvent, justement, on nous demande pourquoi on célèbre 45 ans après des cérémonies du souvenir, pourquoi nous rappelons de la Shoah, le génocide, les forts crématoires. Tout cela devrait appartenir au passé ou bien on devrait intérioriser notre douleur. Eh bien, c'est justement parce que ce souvenir que nous commémorons, c'est pour éviter que de tels actes se reproduisent. Voilà, ben, c'est tout simplement en écho à ce que vous disiez, Pierre Jotin. Oui, et ce n'est pas par hasard la voix du grand rabbin de Marseille a une certaine importance. Pourquoi ? Parce que Marseille est une ville très cosmopolite, une ville qui a une claire conscience de ses origines multiples. Par exemple, quand Defferre est mort, aux obsèques de Defferre, il y a eu un service religieux, on peut même pas dire religieux, un service où il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, y compris alors les grands cultes que tout le monde connaît, c'est-à-dire les catholiques, protestants, juifs, des musulmans, c'était déjà il y a 20 ans, et des arméniens, des bouddhistes. Pourquoi ? Parce que il y a à Marseille, cette ville qui est une ville d'origine grecque, une ville qui a une antiquité formidable et qui est mêlée aussi à notre histoire coloniale, ça. Il y a une espèce de sentiment de solidarité entre les religions, qui n'est pas vrai dans tous les pays, dans toute la France. Et je pense que quand le grand rabbin de Marseille s'exprime, ça a une portée particulière. Et dans ce cas-là, en plus, parce que on était quand même dans la région de France où, malheureusement, les idées de l'extrême droite ont beaucoup progressé depuis cette époque, avec des résultats électoraux qui paraissaient à l'époque inimaginables et qui se sont réalisés. Parlez-moi de François Mitterrand, Pierre Jox, pas globalement, mais par rapport à cette histoire-là. Donc, lui-même va défiler. Comment vous avez parlé avec lui au moment de la crise, c'était une crise. Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il ressentait? Non, Mitterrand était très choqué, très indigné, et on est allé chez Citruc le soir, et on a parlé de tout ça, et c'était curieux parce qu'au fond, Citruc et Mitterrand et moi, et je sais plus qui y avait d'autres encore, comment dire, on faisait la différence entre les faits, c'est-à-dire des profanation de cimetière, profanation de cimetière juif, profanation de tombe juif, et profanation particulièrement, si je puis dire, outrancière, dans la profanation. Et entre cette espèce de phénomène, et puis le sentiment que, et on avait raison d'ailleurs, c'était pas la France. Ouais. On était en France, ouais, mais c'était pas la France. Et la barbarie, et là, ça fait que c'est pour ça que, d'une certaine façon, il y a eu quelque chose un peu comparable à ce qui s'est passé ces derniers temps, quand il y a des grands traumatismes psychologiques. Là, il n'y a pas de mort. On peut dire, Fabius dit de façon un peu emphatique, il a été tué deux fois. Il y a quelque chose comme ça. Mmh. Et à ce moment-là, on connaissait les faits, on ne connaissait pas l'auteur des faits. Mais ça nous était totalement indifférent, parce qu'après ça, pendant des semaines et des mois, et des années même, le Front National me mettait en accusation, que j'avais manipulé, j'étais, etc. Ça me faisait doucement marrer, parce que je savais bien à quoi m'en tenir sur le Front National, et sur Le Pen en particulier. Je savais bien que c'était des racistes et des antisémites, je le savais depuis que j'avais 20 ans. Alors on peut me raconter ça, mais 20 ans après, 60 ans après, je le sais toujours, bien. Mais c'était pas la problématique, c'était qu'il fallait quelque chose qui montre que c'était pas la France. Et la manifestation qui a eu lieu, où Mitterrand s'est rendu, qui était totalement silencieuse, autant je me rappelle, je me tourne vers une amie qui était d'ailleurs là, qui était à Carpentras avec moi aussi ce jour-là. Mais elle était silencieuse, j'en ai des souvenirs aussi précis. Comment ? Elle était silencieuse, j'en ai des souvenirs précis, voilà, également, bien juste, sûr. Ouais. Yeah. C'est ce qui lui donnait sa force, d'ailleurs. On ne peut pas dire, il n'y a rien à en dire, mais on n'a pas besoin de parler. Voilà. Est-ce que, alors, on va pas dire qu'un malheur est bon, parce que c'est pas toujours le cas, mais on peut tirer des leçons, y compris des leçons positives. Est-ce que, selon vous, Carpentras a été le déclencheur ou un déclencheur pour qu'une grande partie de l'opinion publique dise stop au racisme, stop à l'antisémitisme? Est-ce que ça a provoqué une prise de conscience qui a aidé ce peuple français à réfléchir face à cela? Non, je ne crois pas. Je crois que l'un des drames de la France, y compris d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un très long passé raciste, la France, la Troisième République est née dans une affaire de lutte contre le racisme, l'affaire Dreyfus. La vraie fondation de la Troisième République, c'est la libération de Dreyfus. Absolument. C'est lorsque Clémenceau nomme Picard, le général méritant qui avait défendu Dreyfus, qui le nomme ministre de la guerre. Là, la vraie Troisième République est née, et cette affaire, cette dimension du racisme antisémite n'est quand même qu'une des dimensions du racisme. Il y a le racisme à l'égard des pays, des peuples colonisés, et la France est encore dans cette situation, parce qu'elle fait partie de notre histoire. Et c'est pour ça que c'est très important d'expliquer aux jeunes que tous les racismes de toutes les époques et de tous les pays ont quelque chose de commun, c'est-à-dire c'est la négation de l'unité de la nature humaine. Parce qu'après tout, pour nous qui vivons en Europe, le racisme au Rwanda, c'est incompréhensible. Les Rwandais, les Tutsis, pourquoi ils sont pas des mêmes races? Eh bien non, pour eux non. Pour nous, pour moi, un Français, le mot race n'a plus tellement cours. Un Français qui est protestant ou juif ou musulman ou catholique ou rien du tout, il est Français. Il y a des régions du monde, en Inde, où il y a une sorte de racisme à l'égard de gens, on appelle ça des castes. Mais les castes en Inde, ce sont des races. Eh bien, le racisme est un phénomène extrêmement répandu et qui peut résister à des choses extraordinaires. Pensez qu'aux États-Unis, pour la première fois, on élit un président des États-Unis qui est noir, d'originaire d'une famille d'originaire d'Afrique. Et le racisme, on s'en aperçoit en ce moment, n'a pas diminué, n'a pas disparu. Et il y a un nouveau racisme qui apparaît à l'égard des Latinos. Donc ce phénomène du racisme, c'est-à-dire ce sentiment de supériorité, et qui est généralement un phénomène aussi lié à un sentiment de classe, et il n'est pas limité à la France, il n'est pas limité à l'Europe, il n'est pas limité à l'antisémitisme. Et il faut bien voir que un des phénomènes les plus étranges qui se passe, c'est que dans les affaires de réfugiés qui se pressent aux portes de l'Europe, c'est quelque chose de poignant de voir tous ces enfants qui viennent de Grèce, de Turquie, devant des barbelés, qui sont arrêtés aux portes de l'Europe. Et c'est insupportable, mais on voit ça tous les jours à la télévision. Et on y est habitué, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que l'Allemagne ouvre ses portes et nous, on les entr'ouvre? C'est un problème très profond de la société française, dont on n'a pas fini, on n'a pas fini d'avoir besoin, justement, de rappel à ce que peuvent être les crimes du rat. Autre leçon, je voudrais dire une chose, ce que j'ai noté, c'est très important, c'est pour les flics. C'est-à-dire? 5 ans, bah, c'est long. Ah oui. Mais ça arrive. Ouais. Et pour les malfaiteurs, pour les voyous, c'est très important que, justement, quand vous écrivez, ça, votre phrase m'a beaucoup choqué, c'est la seule chose. Vous dites, on veut des résultats et vite. Non, on veut des résultats. Le temps qu'il faudra. Oui, bien sûr, on veut des résultats. Et les policiers qui s'accrochent, qui continuent, c'est très important parce que les voyous qui savent que les flics ne lâcheront pas, eh ben, ils peuvent prendre des précautions ou même rentrer dans le droit chemin. Que pensez-vous du... Parce que je reviens sur la communauté juive, hein, puisque c'est le cœur de cette histoire. Vous savez que de plus en plus de juifs en France sont tentés par l'Alia, donc aller vivre en Israël, ce qui est un droit pour eux. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise. Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire en France pour que cette communauté soit plus sereine aujourd'hui? Je ne peux absolument pas vous répondre. Je déplore évidemment, comme je crois tout le monde, qu'un Français puisse avoir l'impression qu'il est plus en danger en France qu'en Israël. C'est triste à entendre. Toute dernière chose, nous avons une grille de lecture en France, qui est une grille de lecture historique, c'est celle de la laïcité, hein, celle du vivre ensemble, c'est un principe émancipateur, s'émanciper des dogmes notamment. Et est-ce que la laïcité peut tout, Pierre Jox? Est-ce qu'elle peut tout régler, la laïcité? Parce que c'est un étendard, la laïcité. Puis au bout du compte... Non, la laïcité... Non, on est bien d'accord, c'est une grille de lecture. Non, française, on n'est pas c'est d'accord. C'est un élément. Ah bon, non, je ne crois pas qu'on soit d'accord. Bon, d'accord. La laïcité, ce n'est pas un étendard. C'est une série de drapeaux successifs. Le combat laïque à la fin du 19e siècle, à l'époque où l'Église catholique romaine pesait de tout son poids dans la vie politique française, sous le Second Empire du temps de Napoléon III, pourquoi est-ce qu'on appelait les évêques? On les appelait les préfets violets. Violets comme leur robe. Parce que les préfets jouent un rôle direct dans les campagnes électorales. Donc, la laïcité française, elle a été une laïcité d'abord anticléricale, anticatholique romaine. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine, il y a des gens de gauche et de droite, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Le problème de la laïcité aujourd'hui peut être en sens inverse, à l'égard d'autres religions. Par exemple, est-ce qu'on accepte que d'autres religions existent en France? Par exemple, l'islam qui était inexistant il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, et qui aujourd'hui est devenu la deuxième religion de France en termes de pratiquants. Eh bien là, c'est une nouvelle dimension de la laïcité. Il faut laisser reconnaître aux musulmans le droit de pratiquer leur religion sans jamais les assimiler aux criminels qui se réclament de l'islam. Merci d'avoir répondu de façon courte à une thématique qui est très longue et très importante. Je sais bien. Merci infiniment, Pierre Jox, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la profanation du cimetière de Carpentras, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain, nous évoquerons la nouvelle vague. Il s'agit de cinéma, bien sûr.